Ça va, Jamo? Ça va et toi, Stéphane? Ouais. On est tout seul à deux ce soir pour Pyongyang City Rockers, numéro 379. Les autres, ils sont pas là, ils ont eu peur des footix. Ouais. C'est impressionnant. On arrive, on entend les chants dans le stade qui est là, à un kilomètre. Ouais. Et c'est beau. De la ferveur populaire. On verra s'ils font encore de la ferveur comme ça quand ce sera la guerre. Non, je rigole, il n'y aura pas la guerre. On enverra juste les jeunes se faire tuer, nous on est déjà trop vieux. Ouais. Ce soir, encore plein de nouveautés, plein de vieux trucs, les annonces de concerts. T'as même ramené du crust, il paraît. Ouais. C'est ça que tu m'as dit? Ouais, c'est ça, ouais. Bon. Vous allez découvrir, voilà. J'ai une exclue encore. Encore une exclue, mais t'arrêtes plus là? Ouais. Comment tu fais? Comment fais-tu? Moi, j'ai pas des. Oh, peut-être. Si, quand même. Ah, si, j'en ai peut-être une, néerlandaise. On verra ça tout à l'heure. Ouais. Pour l'instant, puisque je parlais de guerre, on y va directement avec Parabellum, qui imaginait jouer au Docteur Folamour, Sacré Schultz, RIP, tout le bordel. Parabellum, la bombe est moue. Let us Ils s'éloignent, jugés sur leur bombe atomique. Ouais, quand je disais que c'était Schultz, non, c'est pas Schultz, hein, les paroles, c'est Géant Vert. Mais bon, après, c'est Schultz qui a pris la responsabilité de les chanter en public. Hein, je suis désolé, c'est comme ça. Hein, je me fais pas les règles. C'est possible, ça. tu nous as ramené des choses. Ouais, alors, on va aller à Bilbao. Oh, c'est pour faire plaisir à des absences. Ouais. Gaël, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui, c'est vrai. C'est bon. Alors, ouais. Alors, ces blessures, ils sont partout, le titre. C'est paru le 31 janvier 2023. Mmh. Pour les dates. T'es sûr que c'est des Basques? Je sais pas, Bilbao, il y a écrit. Ah, c'est peut-être le label. Le label. Les cassettes, c'est par Discos, Enfermos, ouais. Et T.A. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, ouais. Bref. Et ouais. C'est qui est partout, alors? C'est qui est partout? Ben, ils sont partout. Ça doit être ceux qu'on connaît. Ouais. Ils sont partout. On connaît trop. Ouais. Blessé. Et voilà, c'est tout. On y va. Ouais. Parce quand on a le doigt qui tremble sur la souris, parce que nous voilà. On passe que des MP3, enfin à part tout à l'heure. C'était donc j'ai un peu coupé blessure, hein, désolé, c'était la fin. C'est pas grave. Et on le repassera. La tremblote, c'est parce qu'on n'a pas passé 5 minutes encore de ça. Bah oui, c'est ça en fait. Enfin si, oui, bon. Il est 20h11 à l'antenne de campus. Ce qu'on vient d'entendre juste à l'instant, c'est Animal Mort. Ils vont des Lillois. Ils vont jouer le deuxième jour du week-end d'Antitol qui va avoir lieu au CCL. Pendant que le premier jour, ça sera au cinéma L'Univers, donc à Lille-Moulin. Puisqu'on en est là, je vais faire l'annonce tout de suite, hein, du week-end d'Antitol, parce que c'est important. Vous savez que quand on veut connaître l'état d'un pays, il faut regarder deux choses, ses écoles et ses prisons, puis voir comment ça se passe dedans. Bah, je trouve que la France, en ce moment, on est vachement balèze pour faire de la merde, aussi bien dans les écoles que dans les prisons. Le week-end d'Antitol, le premier jour, c'est vendredi. Ouais, vendredi qui arrive. Ça sera donc à l'Univers, 16 rue Danton, à Lille-Moulin. Il y aura des tables de presse, des distros, dont celle du collectif de soutien aux familles victimes de violences policières. Et puis il y aura aussi une pièce de théâtre interactif qui s'appelle Nos Prisons. Tout ça, donc, c'est à l'Univers, à partir de 18h30 pour un prix libre. Et puis le deuxième jour, c'est le lendemain, c'est samedi 15. Ça sera au Centre culturel libertaire à Lille-Oisem, cette fois-ci, à partir de 14h et jusque tard le soir. Donc il y aura des discussions sur l'après-midi, une sur comment soutenir les personnes enfermées et leurs proches, avec des retours d'expérience de collectifs qui font ça sur Marseille et dans le coin. Et puis après, il y aura une autre discussion sur comment lutter contre les nouvelles constructions de centres de rétention administrative, avec des anticras qui viennent d'un peu partout, Lille, Calais, Dunkerque, Dijon, Nantes et Jumet. Il y aura aussi des ateliers avec de la linogravure et un atelier d'écriture aux prisonniers. Et puis après, la petite cantine qui aura lieu vers 19h. Ensuite, on enchaînera en début de soirée sur les concerts. Il y aura donc Animal Mort qu'on vient d'écouter, il y aura aussi Mauve, elle fait du rap, et puis il y aura Naked Nurses, c'est du noise punk, art punk, voilà. Et ça finira par des DJ sets reggaeton et breakbeat avec Copine de Platine. Tout cela donc samedi 15 mars au Centre culturel libertaire, 4 rue de Colmar. Génial. Et repris libre, voilà. Et puisque je parlais de Naked Nurses, voilà un titre des fameuses Naked Nurses, c'est Body Without Organs. Yeah. Boom. Boom, ça y est. Ouais. Ah bah oui, hein. Naked Nurses, que l'on pourra retrouver au Centre Culturel Libertaire ce samedi soir. Super, venez nombreux. Oui, bah voilà. Il y aura du peuple. Hein. Bah ouais. Moi, je vais vous passer Génération Suicida. Alors, ouais, Suicida. Ouais. Ouais. Génération Suicida. Voilà, ça me change de l'irlandais. Alors, c'est En Vivo, l'album, c'est en live donc. Ouais, voilà, je pense que c'est en ça. En Vivo, c'est en live. Et c'est de, ça vient de Los Angeles, et la chanson c'est Mierda Ciudad. Ils parlent de Lille, bien sûr. De Lille. Bah, je sais pas s'ils connaissent Lille, mais... Bah non, c'est pour dire que c'est vraiment la merde. Ouais. Oh non. Fini donc, mais c'est carrément short days, ouais, cette affaire. Ouais. Oui, bah oui. Moi, je m'en vais en Slovénie, à Koper, sur la côte, ça, je crois, avec Strik, je sais pas comment ça se dit. En tout cas, c'est un jeune groupe de là-bas. Ils ont eu des trucs hardcore teintés de crust par moment, ouais. Mais pas que. Ils ont sorti une démo en fin janvier 2025 avec 5 titres dessus. Bah, je vous propose de, sans plus d'attendre, écouter une histoire de balançoire pour dire que il parle aux gens comme si c'était des enfants, tu sais. Allez-y, les enfants, continuez de vous balancer, de jouer de manière insouciante, sachant que de toute façon la guerre menace à l'horizon et que bientôt nous serons tous broyés. C'est toujours ça pourrait être Lillois, hein, tellement c'est Parpan et Prime Sautier. Voici Strik avec Gougaïté sur Campus en 6,6, Pyongyang, c'est Tiroc. We'll be right back. Chouchou, c'était les Suédois de Mass Hysteria en 2010, je crois, avec Ner Botten Er Nod, ça veut dire quand on touche le fond. Qu'est-ce qu'on fait quand on touche le fond? On écoute Pierre Gorg, c'est Rockers. Bah ouais, t'as vu, hein, putain, c'est trop bien. Que vous touchez tous le fond. Non. Non. Enfin, moi, je touche des fonds, mais c'est pas la même chose. Ah, c'est ça. Voilà. Mieux. Ah ouais. Bon, on va aller à Minneapolis, mais Minnesota. Ouais. Bon, moi j'irai pas, mais bon, si tu veux, ouais, tu peux. Ouais, bon, on va y aller quand même. On va écouter Menstrual Tramps. Alors, l'album c'est No Hesitation, No Defeat. Et on va écouter No History Repeats. Et c'est sorti le 7 décembre 2006. Ouais, mais c'est fou cette affaire d'histoire qui se répète. Ouais, il y en a marre que l'histoire. Qu'elle nous laisse tranquille, l'histoire. Ouais, menstrual tramps. Ouais. We'll be right back. Elle crie la femme, t'as vu? Ouais. Tiens, bah, puisque on en est aux nanas américaines qui crient, en voilà une qui s'appelle Abby Ouz. Ah, c'est rigolo. Ouz, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui fait mal, un truc comme ça. Enfin bref, elle vient non pas de Minneapolis, mais de Milwaukee. C'est de, quelque part dans le nord des USA, ça. Enfin, c'est pas loin du... C'est pas loin du Canada. C'est pas loin du Canada, hein. Elles peuvent, ils peuvent s'enfuir. c'est pas trop compliqué pour eux. Abby Ouz, bah, c'est quelqu'un qui opère déjà depuis un petit moment et puis on peut retrouver tout ce qu'elle a produit sur son Bandcamp abi2oze.bandcamp.com Love Love avec qui appelle de ses voeux une bombe russe, Russian Bomb. Ensuite, ensuite je vous mettrai d'autres trucs américains pour dire. C'était Nota en 1984 ou 5 avec Propaganda Control. C'est ouais, voilà. Hein, c'est, ouais. C'est vrai, c'était, ouais, c'était sorti sur la compilation Welcome to 1994. Youpi. Bon, je continue les annonces de concerts à Lillère. Bon, il n'y a pas que Lille, il y a aussi Lillère. Il suffit de rajouter deux lettres. Ouais. de l'être au bout. Lillard à la Mediatek Aragon, il y aura ce vendredi Basta qui viennent de Arras, je crois. Ils seront en première partie, il y aura Bisounours Fucker. Coucou. Voilà. Et en plus, ça sera un concert gratuit, donc on y va. Et puis, enfin, on se déplace, surtout si on est dans le coin de Lillard. Voici donc Basta avec le sourire, ce qu'il faut toujours garder, surtout si on te dit de faire la gueule. C'est bien. La révolution sera finie quand le langage sera parfait. C'est ce qu'ils disent. Hein, bon. Bref, il est 20h30 à l'antenne de Campus 106,6. C'est Pyongyang City Rockers numéro 379. Et voici Jamo qui va nous présenter un truc dont il a le secret irlandais. Voilà, bah oui. On va passer de l'autre côté. Alors, je vais vous passer. Alors, en Irlande, il dirait Tin Lizzy. Ah ouais? Et en fait, ici, on dit « Thin Lizzy ». Faut savoir, avec le faut choisir. The. Mais nous, en Irlande, on dit « T ». Enfin voilà, c'est une anecdote. On va écouter « Black Rose » issu de l'album « Black Rose ». Et c'est sorti en 79. Et ça, c'est un live? Ouais, à Nassau. Ou Bahamas, putain. Les mecs, ils se faisaient pocher, les mecs. Hein. Bon, allez. Ouais. Fenlaisé. Yes. Ça démarre. To the knights of the Roman Orso, sing me the melodies, how did they go? Play me the songs, I will go. C'est trop mimi, hein. Ouais. Alors, t'as dit une anecdote, mais il y en avait une autre. D'anecdote. Ah ouais. Alors, ouais, c'est quoi ouais. ce bordel? Vas-y, dis-le maintenant. L'anecdote, c'était laquelle? Bah, la rose noire, pourquoi? Ah ouais, bah, c'est en. Alors, en tatouage, c'est en opposition aux Britanniques. Ouais, mais en fait, tous les tatouages irlandais, c'est en opposition. D'une British. Rose noire. Ouais. Ah ouais, Non, il y a et des donc c'est une espèce de code secret ou quoi enfin, ou... Bah à mon avis, si tu te fais choper avec ça, tu dois pas D'accord. passer un bon quart d'heure. Donc tu le fais sur ton cul, pas sur ta main, quoi. C'est mieux. Ouais, mais il y en a, ils le font quand même sur la main. Ouais, d'accord. Bah, ils vivent dangereusement après. Ah, bon, ouais. Voilà, quoi. C'est comme ça. De quoi je voulais parler ? Ah bah oui, bien sûr, la ferme du Biéro, c'est à Louvain-la-Neuve. Vous savez, la seule ville nouvelle de Belgique, là, qui a été créée suite à la séparation de l'Université catholique de Louvain en deux parties. Donc la partie flamande est restée à Louvain, Leuven, et l'autre partie, les francophones ont été plus ou moins expulsés, en fait. C'était à la fin des années 60, au début des années 70. Et il y a une nouvelle entité universitaire qui s'est créée en Wallonie, pas loin de Bruxelles, mais à quelques dizaines de kilomètres quand même de Leuven, sur un endroit où il n'y avait que des champs, et que ça fait un peu comme Villeneuve-d'Ascq ici, ça fait une ville nouvelle, mais qui était complètement tournée à l'époque vers la vie universitaire. Louvain-la-Neuve a été créé en 72. La même année, d'ailleurs, dans une ancienne ferme qui était sur le territoire de ce qui allait devenir bientôt la ville nouvelle de Louvain-la-Neuve. Donc cette ferme s'appelle toujours la ferme du Biéro. Il y a des gens qui ont commencé à vouloir faire beaucoup d'étudiants, puis des jeunes, etc. quoi, puis des activistes culturels, sociaux ou politiques qui ont voulu créer un lieu justement pour faire toutes sortes d'activités, que ce soit des trucs concerts, théâtre, puis de l'organisation locale, organisation des habitants par eux-mêmes. Ce lieu existait toujours jusque hier. La ferme du Biéro, alors il y a eu pas mal de... c'était une occupation sans titre pendant pas mal de temps. C'était de limite squat, sauf qu'il y avait quand même une tolérance de la part de la mairie qui avait repris les locaux appartenaient, et il y avait eu une promesse au moins orale qui avait été sanctionnée positivement par la justice, c'est-à-dire que au bout d'un moment quand même, les gens qui étaient là et qui habitaient, vu qu'il y avait une partie d'habitation jusque hier, les gens qui habitaient là étaient occupants quand même assez légalement, quoi. Et puis, bonhomme à l'an, il continuait d'avoir des activités. Ce qu'il y a, c'est que là, la mairie a changé de bord il y a quelques... a changé de bord, voilà. Et le nouveau maire tient à récupérer tous les locaux qui appartiennent à son administration. Et donc, ils se sont démerdés pour expulser les gens hier. Ça s'est passé comment ? Il y avait une réunion, en fait, pour discuter de futurs travaux à faire avec les habitants étaient dans l'annexe de la mairie qui se trouve à Louvain-la-Neuve, qui est à un petit kilomètre de là. Et puis pendant qu'ils étaient en réunion avec les gens le bourgmestre et puis les gens de la mairie, on les a prévenus qu'il y avait la ferme du Biéro était encerclée par les flics qui étaient en train de poser des grillages partout. Ils ont rappliqué en vitesse. Le piège était déjà refermé. Il y avait même des gens qui étaient encore des habitants de la ferme du Biéro qui étaient encore à l'intérieur. Il y a eu un essai d'occupation qui a été levé vers 18h hier soir, au terme duquel tout le monde a été viré. Ils ont pu emporter un petit peu de leurs affaires, mais pas grand chose, juste le strict nécessaire. Ils sont relogés chez des potes ailleurs, quoi. Et puis la ferme du Biéro, où il y a quand même pas mal de monde qui est passé, je parle juste des concerts entre René Binamé, il y a même eu Peter Tosh qui est passé là, mais c'était longtemps, c'était en 82 ou 3, je sais plus, bref. Là on en est là. Donc apparemment il y a une combativité qui reste parmi les habitants de la ferme du Biéro pour essayer de récupérer les locaux, ou en tout cas de faire vivre encore quelque chose sur le territoire de Louvain-la-Neuve. Et puis voilà quoi, truc à suivre. De toute façon, actuellement, que ça soit en Belgique ou ailleurs en Europe, c'est un peu comme ça dans tous les azimuts. Et donc c'est vraiment un lieu historique, vu que ça fait plus de 50 ans que la ferme du Bureau existait, d'une manière ou d'une autre, mais toujours dans les mêmes locaux. Pour illustrer ça, un petit groupe qui a commencé ses répètes, en fait, c'est même, je pense, des gens qui se sont rencontrés dans les locaux de la ferme du Bureau et qui ont fait leur leur répète là-bas. C'est le groupe Kvas, K2VAS. Les voici avec un titre qui s'appelle Si Charmant. Kvas. Mettez-vous enfin, quoi. Il est 20h52 minutes à l'antenne de Campus 106,6. C'est la fin de Pyongyang City Rockers numéro 379. Salut, Junior Français. Après la Belgique, on passe aux Pays-Bas avec Classic You, groupe dont j'ai retrouvé la trace grâce au réseau social de l'an 3000, Mastodon. Et le voici donc un titre à eux qu'ils ont fait dans leur salle de répète. Et ma foi, avec un son pareil, je trouve ça pas mal. Il s'agit de Drip Tray. Il paraît que c'est une histoire de... Quand il n'y a plus de café, bah, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de bouffer le marc. Ah, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Classic You avec Drip Tray. Coffee, bring my coffee, I'll ride away. Is it depleted? Moving the planet. j'ai encore oublié de parler d'un concert qui va avoir lieu dimanche au CCL. Encore le CCL, oui, c'est le seul endroit où il y a des trucs bien à Lille. Non, c'est pas vrai. Il y en a d'autres. En tout cas, il y aura Phil Collins, ils viennent de Nottingham, ils font grind. Et ensuite, il y aura aussi Thumbsucker, ils viennent de Leicester, ils font du Power Violence. Et Marteau, ils viennent de Lille et ils font aussi du Power Violence. Boom! Ça sera au CCL, le 4 rue de Colmar, à partir de 20h pour un prix libre, organisé par l'excellent Jbouktrou. Bonsoir, Henri-Paul. Et donc voici deux titres pour illustrer ceci. Premièrement, Phil Collins avec Boomer Punks, c'est dédié à moi. Et ensuite, Thumbsucker avec This Is Your God, c'est aussi dédié à moi. Ok, bonne dédicace. Ah, ça marche pas. Les boutons, ils sont coincés. Ouais, les boutons, ils sont coincés, c'est pas possible, quoi. Oh, ah, quel matériel. Ouais, et, hop, et les revoici. Je sais pas trop combien de temps il dure, mais là, comme il nous reste, allez, même pas 4 minutes. Ouais, on est sûr de rien. Ouais. C'est pas grave, et puis s'il dure pas aussi longtemps que ça, bah on en rajoutera un autre après. Ouais, c'est qui? Bon, c'est Lee Perry. Ouais. Alors ouais, il y a Lee Scratch Perry. On connaît tous Lee Scratch Perry. Il y a Lee pas Scratch Perry aussi. Ouais, là, c'est Lee pas Scratch Perry. L'album, si on peut dire que c'est un album. Ouais, il y a du très style, donc on dit que c'est un album. Voodooism. Et là, on vous passe Voodooism. Bravo. De Léo Graham. Graham, pas Graham. Mais, Rodrigue, on est connu. En version. Ouais. Dub plate, comme il sait faire. Dub. Dub plate. Pyongyang, Skyrockers, c'est fini pour ce soir. On vous souhaite d'écouter encore toutes les émissions de Radio Campus. Dans quelques minutes, ça sera Teeth Grinder avec le beau JD. Et ensuite, à partir de 22h, ça sera B-Boy Bouillabaisse et Nico qui vous balancera de l'abstract. Abstract, hip-hop et machin et truc et poète. Vous n'oubliez largué. Pas d'écouter tous les lundis soirs à 20h, rien n'a encore changé. Tous les mardis à midi, I Smell a Rat. Et puis, et puis demain soir à 21h, trois cornets à cerveau. Ah ouais, bah voilà. Allez, et puis surtout on n'oublie pas. À cab. Bah oui. Ouais. No, that won't work at all. I said you're trying your best to put me to shame and disgrace, but you shall be my footstool. I tell you, I said you're trying your best to put me to shame and disgrace, but you shall be my footstool, I tell you. We'll be right back. continue. Hein. Ouais. Il est 21h.